Ambrière est une ville située sur un beau vallon qui compte environ 2000 pour la population. C'est elle qui m'a vu naître, voilà déjà bien longtemps, dans un quartier qui peut être appelé quartier des Chouans. Patrie chérie, oh mes amours, c'est toi qui charmes ma vie. Oui, je t'aimerai toujours. Dans cette ville agréable est un antique château, aussi beau que remarquable et qui domine un coteau. C'est là que dans une guerre se battit vaillamment contre le roi d'Angleterre, Guillaume le Conquérant. Patrie chérie, oh mes amours, c'est toi qui charmes ma vie. Oui, je t'aimerai toujours. Il n'est pas dans la Mayenne un aussi charmant cours d'eau que celui de la Varenne, où l'on se promène en bateau. Souvent sur cette rivière j'aime à passer un long temps, et tout charmé d'Ambrière, moi je rame en chantant. Patrie chérie, oh mes amours, c'est toi qui charmes ma vie. Oui, je t'aimerai toujours. Dans cette ville agréable est ma modeste maison. C'est là qu'un vin délectable m'inspire quelques chansons. Ne faut-il pas que je chante l'amour et la gaieté? Et si ma patrie m'enchante, moi je chante avec fierté. Patrie chérie, oh mes amours, c'est toi qui charmes ma vie. Oui, je t'aimerai toujours.